Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 20e numéro du mag, un mag exclusivement consacré à la San Diego Comic-Con qui s'est tenue le week-end dernier et qui nous a apporté un nombre incroyable de news, de teasers, d'annonces concernant les comics, les films, les séries télé et dérivés des comics. On va débriefer tout ça. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 20e numéro du mag. Et avec moi pour ce bilan de la San Diego Comic Con 2015, Arnaud. Salut. Et Clément. Bonjour. Qui fait style, il est sérieux. Ouais. Allez, on va commencer. Alors, trois parties dans l'émission, une partie sur les annonces concernant les comics, une partie concernant le cinéma et une partie concernant la télé. Petit indice, durant une des trois parties, Clément devrait faire dans sa culotte. On se demande c'est quoi? On se demande. Allez, on va commencer par les comics et bébé, je vais commencer. Du coup, on va parler d'abord des annonces de chez Marvel. Pas beaucoup d'annonces Marvel. Enfin, on le savait pour le cinéma et pour la télé qu'il n'y aurait pas énormément d'annonces. Pour les comics non plus, ça a été très calme. On va commencer avec Star Wars et un crossover Vader Dawn, donc le premier crossover de l'univers Star Wars version Marvel depuis la reprise de la licence. Qui concernera les deux séries Star Wars et Darth Vader, une période où les intrigues se croiseront entre ces deux séries. Ça sera lancé, ce crossover, par un Star Wars Vader Down numéro 1, et puis après ça se poursuivra dans les pages de Star Wars et de la série Darth Vader. Voilà. Ce sera scénarisé par Jason Aaron et Kieron Gillen, et puis les artistes seront Mike Deodato et Salvador Larocca. Voilà, et ça commence en novembre. Bon. Un crossover entre deux séries, sachant que l'univers Star Wars n'a pas non plus 50 000 séries. Je pense que c'est un petit peu tôt, moi, mais bon, après, il faut capitaliser le film. C'est surtout ça. Et on reste dans l'univers Star Wars, et si ça, c'est pas pour capitaliser sur le film, je sais pas ce que c'est, Arnaud. C'est une mini-série sur Chewbacca. Donc une mini-série en 5 numéros par Jerry Duggan, qui était sur Deadpool, et dessinée par Phil Noto de Black Widow. Et donc ça aura pour personnage principal, bien sûr, Chewbacca, qui sera séparé du reste de l'équipe. Qui va se retrouver sur une planète inconnue, et sa loyauté sera divisée entre choisir de retourner vers l'Alliance ou aider une jeune fille dans le besoin. Chewbacca numéro 1 sortira en octobre. Ok, ça va être sympa pour les dialogues, tiens. Ouais, ça fait penser ça va être à marrant, Groot, ça. à Oui, bah oui, on a déjà une série Groot qui est comme ça. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous trouver pour qu'on Ouais, comprenne mais Groot Chewbacca? est très bien. La série est très bien. Bah, le premier épisode était sympa, mais Groot n'était pas tout seul. Dans le deuxième, il est tout Ouais. seul et il y a une petite inventivité, c'est vrai, sur la dans le, dans le, dans le, dans la manière de raconter le dialogue et de faire comprendre ce que veut dire Groot. Maintenant pour Chewbacca. Ouais, Là, il y pour aura une petite fille Chewbacca, avec lui. En plus, il n'y a que lui. une petite fille. C'est pas À moins que la petite fille le la fille comprenne, je ne sais comment, hyper parce qu'elle a intéressante. l'espèce de pouvoir, et du coup, elle va faire le Rocket Raccoon de Groot, en fait. Et elle va Sûrement. traduire dans le dialogue, enfin, moi, je ne sais pas. Ça va être ça. Mais après, c'est que 5 épisodes, donc c'est pas assez rapide. Dernière annonce du côté de Marvel. Alors, on le sait, c'est tombé il y a quelques jours. Ah, c'était avant la Comic-Con, mais on peut quand même en dire deux mots. Marvel a quand même annoncé toutes les séries de son après Secret Wars. Un nombre de séries de 45 pour le moment, avec nouvelles équipes créatives, etc. Bah tiens, peut-être si on veut faire quand même un petit point, c'est quand même une grosse actualité de ce début de mois de juillet. Vous avez regardé un petit peu ce qui a été annoncé, il y a des choses qui ont attiré votre Pas du attention? tout, j'ai complètement zappé, je suis passé à côté, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a. Arnaud, toi, t'as repéré des trucs? C'est les New Avengers avec avec des anciens Young Avengers. Ouais, la série New Avengers, ouais, qui va inclure Wiccan et Hulkling notamment, et Miss America Chavez, je crois. Donc une équipe de New Avengers, ouais, qui me branche bien aussi. Qu'est-ce qu'on a aussi? Miles Morales, qui devient le Spider-Man, quand même. Ah ouais? Ah ouais, quand Amazing même. Spider-Man existera toujours avec Peter Parker et tout, mais voilà, la série Spider-Man tout court, ce sera Miles Morales, c'est cool. Par Bendis, hein, qui prend ça en plus d'Iron Man. Bah la série comment elle s'appelle La série sur les X-Men, attends, c'est The. J'ai juste l'adjectif qui est impossible à trouver. Extraordinary X-Men. Voilà, c'est Extraordinary X-Men. Par Jeff Vache. Lemire et Humberto Ramos. Ah ouais, Voilà. ça fait plus ou moins le titre déjà. Avec une équipe. Ah. Ouais, bah c'est sûr, Extraordinary X-Men, bon. Avec une équipe qui sera composée de Storm, Old Man Logan, Nightcrawler, la jeune Jean Grey, Colossus, Magic et Iceman. Iceman, a priori, le Iceman actuel, hein, pas le Ok. Iceman du Donc passé universel. déjà, Jeff Lemire et Humberto Ramos sur la série, ça fait un peu Ouais. bavé quand même. Après, le dessin d'Umberto Ramos sur du X-Men, je suis pas sûr que ça se prête très bien, en plus sur un scénario de Lemire. Enfin, je sais pas, Mais c'est le doute que j'ai. l'émir, ça peut être Ah bah oui, ça ça peut peut être très intéressant. être cool. Après, dans le reste, Daredevil par Charles Soule, évidemment. Oh, Et il avait fait puis, quoi lui déjà? Les Inhumains. Les Ouais. Inhumains, il avait fait She-Hulk aussi, il avait fait pas mal de choses aussi du côté de chez DC, parce qu'il vient de DC. Ouais. En plus, Daredevil aura Un un coéquipier, apprenti, un apprenti. un apprenti, ouais, Ah, ça va être intéressant ça. c'est tout le Et concept c'est de la pour série. quand? Mois d'octobre du coup? Oui, a priori, tout sera pour mois d'octobre. Ouh. Et puis, ah, j'en avais repéré quand même une autre, je ne sais plus laquelle c'était. Tant pis, Intéressant. c'est pas grave. Bah Jeff Lemire, hein, qui en plus de Hawkeye et de je l'ai dit Extraordinary X-Men, qui prend une troisième série qui sera la série Old Man Logan, et voilà, Ah, Holman il va Logan. retrouver Andrea Sorrentino. Yann. Donc le duo d'Arrow se reforme sur Old Man Logan, rien que pour ça, à la Oh! rigueur, je pourrais regarder. Ah De ouais, Green non Arrow, pas mais. de Arrow, oh là là, mal sur moi. Mais juste pour ça, le Holman Logan, c'est interdiction de passer à côté. Je sais pas, si tu veux l'acheter, il faudra Bah. bien que tu passes à côté. Non, mais non, mais. Non, mais non, mais tu me comprends, mais enfin, allez, revoir l'équipe, Pas tout. honnêtement, revoir l'équipe. Oh, revoir l'équipe Sorrentino-Lemire, je pense que Ah bah ça va être un c'est kiff, un... c'est clair, c'est clair. ça va être ça va être un carton quoi. Non, c'est ça. Gary Duggan garde la série Deadpool, puisque Deadpool revient. Ouais. Deadpool n'est pas Ah, vraiment. bah Deadpool voilà, on n'est va pas faire vraiment comme si on mort. est surpris. Mais c'est pas tout, parce qu'il va récupérer la série Uncanny Avengers avec Ah. Ryan Stegman au dessin, donc ça peut donner. Et l'équipe d'Uncanny Avengers, Steve Rogers, donc version vieillie, hein, comme maintenant, Human Torch, Rogue, Deadpool, Spider-Man, Quicksilver, Brother Voodoo et d'autres. Voilà. Ah ouais, ça va Et être... donc, du coup, une équipe qui serait a priori conduite par Deadpool, normal, parce que Gary Duggan est scénariste du Ah, personnage. ça va être génial. Ça peut être sympa. Ça peut être Ouais. sympa. Voilà, donc Ah, on. il y a quand même Vas-y. du bon, hein. Oui, non, il y a quand même des choses intéressantes. Il Il y en y a a des plus de choses choses intéressantes. intéressantes que ce que je pensais. Ouais, bah moi aussi, tu vois, ça fait, j'ai l'impression que ça va faire un peu comme bah, ce que fait DC, ils ont relancé. C'est vrai que là, ça, j'ai l'impression que ça retrouve en qualité. Et j'ai l'impression que la Marvel risque de faire en fait la même chose. Enfin, il y a des titres voilà qui attirent l'attention quand même. Hein. Voilà, donc à suivre pour tout ça. Tout ça à la base, quand même, hein. La news de la San Diego Comic-Con, c'est quoi? C'est que le coup d'envoi de ce relaunch sera donné par le numéro Avengers numéro 0, qui servira donc de coup d'envoi au relaunch d'octobre. Ce sera un numéro de 56 pages, qui coûtera 5,99$, qui reprendra un peu le principe des Point One, hein, qu'on avait avant chaque grand Ouais. relaunch chez Marvel ces dernières années. Et on aura une introduction à All New, All Different Avengers, à la série Squadron Supreme, à la série A-Force, New Avengers, Ultimates et Uncanny Avengers. Donc voilà, des petites indications sur ce que sera ce nouvel univers, donc avec ce numéro Avengers 0, et puis bah, après, toutes les séries se lanceront progressivement. Voilà. Allez, on va fermer la parenthèse Marvel, on va passer du côté des annonces de chez DC. Et on va commencer avec Milestone Comics qui sera de retour dans l'univers DC. Alors Milestone Comics, c'était quoi? C'était un univers alternatif, on va dire, un univers de chez DC qui avait là comme particularité de mettre en avant des super-héros de couleur. De couleur et d'origine autre que l'archétype du super-héros blanc qu'on avait dans toutes les séries. Ça avait été créé à l'époque, dans les années 90, par un certain Jim Lee. Et donc, du coup, DC va reprendre tous ses héros et va les mettre dans une gamme de graphic novel qui sera la gamme Earth-M, comme Milestone, donc qui viendra rejoindre la gamme déjà existante Earth-1. Donc, on aura notamment Static, Icon, Rocket, Zombie, enfin voilà, plusieurs personnages comme ça. C'est plutôt cool de faire revenir. Ouais. De faire revenir cet univers-là et ses personnages. En plus, c'est une, voilà, c'est un format intéressant. On aura quelques graphic novels de temps en temps. Là, on prendra celui sur le personnage qui nous intéresse. Et puis voilà. Donc, c'est, voilà, c'est sympa. Autre chose qui pourrait être sympa, Arnaud? Oui, c'est alors je vais commencer par celui-là. C'est la suite de Multiversity, la série de Grant Morrison, qui s'est terminée en 12 numéros, il me semble. C'était 8 numéros, il me semble, un truc comme Numéros. ça. J'avais vu plus grand sur 8 numéros. Et donc là, il y aura une suite, pas une série, pas une série ou une mini-série, mais en graphic novel, donc qui sortiront en 2016, enfin à partir de 2016. Et donc ça explorera, ce sera pas la suite de la série Multiversity, mais ce seront des graphic novels qui exploreront les terres parallèles qu'on a découvert justement dans la série Multiversity. Voilà. Et le premier qu'on pourra lire, c'est Multiversity 2. Donc 2, c'est T2O, pour faire le petit stream. Et donc ce sera Multiversity 2, The Flash, en 2016. Et ensuite, l'autre annonce, toujours pour Grant Morrison, c'est une autre ligne de graphic novels qui s'appelle Batman Black and White. Et donc là, chaque artiste, il y aura plusieurs artistes qui montreront une approche différente sur le concept de Batman. Donc ça rejoint un petit peu l'idée de multiverse. Et il a déjà annoncé trois concepts. Un Batman en Ur-en-Arrh, avec la fille du Batman original. Une histoire sur le Batmage. Et une autre qui s'intéressera à toutes les petites amies de Bruce Wayne et Batman. Ok, donc tout ça en noir et blanc, bien sûr. Donc de beaux projets pour Grant Morrison, a priori en 2016, et surtout bah, la bonne nouvelle de retrouver Multiversity qui nous avait quand même beaucoup plu, et effectivement de savoir qu'on va avoir une suite à cette exploration des terres parallèles qui était finalement très courte, puisqu'on s'intéressait à un numéro sur un univers, ou même parfois il y avait deux ou trois univers dans un numéro, et on avait envie sur certaines terres d'en savoir plus, d'en voir beaucoup plus, et du coup bah, c'est sympa d'avoir ces graphic novels, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Et en plus, au départ des New 52, DC avait plutôt tendance à vouloir garder un seul univers, et ça fait plaisir de voir là qu'ils reviennent au multiverse. Oui, et puis avec leur univers qui sort en single tous les mois, etc. Et puis bah, on a Earth One, parce qu'il ne faut pas oublier la gamme Earth One, qui va continuer à se développer, puisqu'on a eu en annonce quand même rien que Earth One The Flash et Aquaman Earth One, qui ont été annoncés pour 2016. Donc ça fait quand même, voilà. Hein. Après Superman, Batman, les Teen Titans, Wonder Woman qui arrive aussi prochainement, bah Flash et Aquaman rejoignent la gamme en 2016. Flash par Joe Michael Straczynski, rien que ça, celui qui a fait Spider-Man Earth One. Et ça sera les origines de Barry Allen en Flash dans cet univers-là. Et on nous promet des origines vraiment différentes. Et puis pour Aquaman, ce sera Francis Manapul qui Oh, ça va, ça s'occupera va de Aquaman partager. Earth One. Donc voilà. Du beau monde. Du beau monde, mais en même temps, Ouais. du beau monde ne veut pas dire qualité, hein, parce que Jeff Lemire s'est bien planté sur le Teen Titans Earth One. Oui, c'est pas faux. Voilà. Donc là, ouais, c'est cool d'avoir tous ces univers-là, Earth One, Earth M, pour Milestone, et puis bah, maintenant Multiversity en graphic novel, c'est cool. Quelque chose qui risque d'être cool aussi, il a 75 ans cette année, c'était normal qu'il soit à l'honneur, mais alors là, Robin va carrément Ouais. avoir droit à de grandes choses pour lui, Clément. Oh oui. C'est à l'occasion du coup du panel sur le Batman Universe, on va dire qu'il y a eu deux annonces qui ont attiré l'attention. Donc Scott Snyder a annoncé la suite de Batman Eternal, mais ce ne sera nul autre que Batman and Robin Eternal. Donc ce sera toujours écrit par Scott Snyder et son protégé, James Tynion IV. Je sais pas comment ça se dit. Oui, c'est ça. Ouais, ça, assisté de Tom King, Tim Schilling, Ed Brisson et bien plus. Et au dessin, on retrouverait donc Tony Daniel. Ouais, pour Donc, commencer, ouais. Snyder, pour vendre son truc, hein, dit que ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus large que Batman Eternal, et que ça va rendre hommage à ce qui dit la Lega, comment, Bah, comment l'héritage, tout simplement. l'héritage de Robin. Donc on peut s'attendre à quelque chose, voilà, qui va être assez important, et qui a été l'une des annonces qui a été marquante pour tous les connaisseurs de l'univers de Batman. On va enfin avoir le retour de Batgirl, mais de Batgirl Cassandra Cain. Voilà. On ne sait pas, hein, je crois, si elle sera Batgirl dans cette Non, on ne sait histoire-là, mais pas, en mais tout on aura cas, un on aura retour. Cassandra Cain qui va faire son grand retour dans l'univers Il va DC. faire son retour. Voilà, on sait qu'au cœur de cette série, on aura donc trois personnages, évidemment Cassandra Cain, mais aussi Dick Grayson et Harper Row. Voilà, on remarquera que celui qui porte actuellement le nom de Robin n'est même pas mentionné dans les personnages principaux. Comme quoi, quand Snyder décide qu'il n'en a rien à foutre d'un personnage, C'est il ça. va jusqu'au bout. C'est ça. Enfin, voilà, c'est un peu ce qui me dérange, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Retrouver Dick Grayson, ça peut être cool, mais nous infliger Harper Row dans une histoire Batman and Robin Eternal, enfin, Ouais, ça je trouve c'est ça. vrai. Ah, monsieur Snyder et son ego, quoi. Oui, c'est ça, son ego. Enfin, bon. Exactement. Mais c'est pas tout. Donc ça, c'est une série hebdomadaire qui commencera en octobre, mais c'est pas tout pour Robin qui va finir l'année en beauté au mois de décembre, Clément. Oui. Oui, donc DC a annoncé un nouveau crossover pour décembre, donc des crossovers entre la nouvelle série, les deux nouvelles séries même, Robin, Son of Batman, We Are Robin, Grayson et Gotham. On va voir en gros l'impact qu'ont ces séries du fait de l'absence de Damian Wayne dans Gotham. Alors, je crois qu'on Donc t'a pas entendu. La dernière série, c'est Gotham Academy. Gotham Academy. Ok. Donc, ça peut être très intéressant dans la mesure où Robinson of Batman, enfin, j'ai lu que le premier numéro, c'est plutôt très bon dans la continuité de Batman et Robin. Et We Are Robin, c'est une très bonne surprise. Donc, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Après, je Oui, ne sais pas ce que valent les deux autres, mais ça peut bon, vraiment. Gotham Academy est pas désagréable à suivre. C'est pas. Ouais, c'est pas. C'est pas un grand comics qui va révolutionner le monde et l'industrie, hein, mais c'est sympa à suivre en tout cas. Et puis l'autre, c'est Grayson. Grayson. Ah, Grayson, c'est sympa. S'il sort un peu d'espionnage avec Dick Grayson et tout, Ça peut. c'est plutôt cool. Donc pourquoi pas ce crossover. Voilà. Ce qui est quand même à noter, c'est un truc assez important, c'est qu'on a un crossover dans l'univers Batman et c'est pas Snyder qui l'a décidé. Ah oui, c'est pas faux. Et ça. Rien que C'est pour pas ça, faux. je vais lire. Donc du C'est pas coup, faux. bon, j'en ai un C'est peu après qui, du coup, Snyder. qui l'a. Qui l'a décidé, c'est Mark Doyle, non? Oh, oui, voilà, c'est Oui, ça. Hein. l'éditeur, ou alors c'est les scénaristes des séries, entre eux, qui se sont dit, tiens, voilà, il y en a un qui a dû avoir une idée. C'est pas faux, oui, parce que c'est vrai que en général, Snyder est considéré comme le monsieur Batman de DC. Il a un peu la main mise sur tout l'univers Batman. Ouais. Donc c'est vrai que c'est étonnant, quoi. Après, on verra bien. C'est ça. Toi, je sens que tu n'as pas, que tu n'aimes pas du tout la tournure que prend le titre Batman. Oh non, mais je m'en cache pas. Ouais. Bah moi, pourtant, je suis plutôt, j'aime bien. Bah écoute, tu as le droit, hein, il y en a qui doivent bien aimer, hein, parce que ça se vend toujours. Encore qu'avec le système des précommandes, ce qui serait intéressant de voir au niveau des ventes, c'est à partir du 3 ou 4e numéro Ouais. de ce DCU, donc numéro 43-44, c'est là qu'on risque de voir si cette histoire plaît ou pas, puisque avec le système des précommandes, les Ouais, deux c'est ou pas trois faux. premiers numéros sont déjà précommandés au moment où les révélations sont faites. Ouais, Donc donc. voilà, on va attendre les ventes. Moi, je suis vraiment très très curieux de voir ce que ça va donner à partir du 43-44. À suivre. Une autre série qui a été annoncée cette fois par Geoff Jones, c'est une série intitulée Justice League Gods and Men qui débarquera en octobre et qui sera directement, qui va découler de ce grand arc en ce moment, Dark Side War, l'événement qui occupe un peu la Justice League. Ça sera une série de 6 one-shots. Et chacun de ces one-shots va se centrer sur un personnage important dans la Dark Side Wars. Dark Side War pour un peu explorer son univers, sa personnalité, sa place dans le conflit entre l'Anti-Moniteur et Darkseid. Voilà, donc on aura les six numéros seront Batman, Superman, Green Lantern, Lex Luthor, The Flash et Shazam. Voilà. Donc ça sera pour le mois d'octobre, tout ça. Pourquoi pas? Je viens de commencer Darkside War, c'est vrai que c'est quand même assez épique Et comme ça va? lancement, donc ouais, c'est Enfin, sympa. sur quelle série, du coup, Darkseid War C'est que existe? Justice League. D'accord. Ça inclut pas, parce que je sais pas, parce que j'ai commencé Earth 2 Society, et Non. j'ai l'impression d'avoir que le titre, j'avais arrêté Earth 2 il y a 4-5 mois, j'ai l'impression que c'est toujours au même point, quoi, c'est toujours aussi apocalyptique. Ah, oh bah oui, en même temps, oui. La situation de Terre 2 est quand même pas très enviable, donc. Normal, j'ai envie de dire. Avant de passer à l'univers Vertigo, on va peut-être passer, Clément, à la Ouais. dernière annonce concernant l'univers DC en propre, en lui-même. Et on Ouais. sait maintenant qui va travailler avec Frank Miller sur Dark Knight 3. Ouais. Donc, je crois pas que le titre a été dévoilé. Si, si, c'est The Master Race. Ouais, c'est oui, effectivement. Donc, oui, donc on connaît enfin les dessinateurs, du coup, qui vont accompagner Frank Miller. Donc, ce n'est nul autre que Klaus Johnson. Alors, il va falloir que Donc, tu le un répètes parce youtubeur que t'as eu un bug. connu, Klaus Johnson, je pense. Andy Kerber et Klaus Johnson. Ouais, donc deux grands noms. Johnson, je vois pas sur quoi il a travaillé. Bah, juste Daredevil. Ouais, juste. Dans les grandes heures de Daredevil. D'accord. Voilà. Mais je sais plus, ils ont annoncé une période. Je me rappelle plus, je souhaite pour la fin d'année ou pour Ouais, je 2016, je crois. sais plus. Enfin, voilà, c'est ça arrivera bien assez vite en tout cas. C'est ça. Pour le film. Ouais, enfin, je suis pas sûr que ce soit une bonne pub pour le film, mais bon. Ouais, Avec un pas sûrement. sous-titre The Master Race, voilà. Et Race, à mon avis, ne veut pas dire la course. Ah, oui, ouais. Ah oui, j'avais pas pensé. Ah, ah, Bah, tu y avais pas pensé à ah. celle-ci, voilà. Voilà, allez, on va passer du coup à l'univers Vertigo, hein, on va passer de temps de plus. 12 Ah, nouvelles c'est pas séries ont fou. été annoncées pour l'univers Vertigo, qui se relance, voilà, qui veut apporter une nouvelle impulsion. Après, les Coffin Hill, le Federal Bureau of Physics, la série Suiciders de Liber Mero, Vertigo, voilà, veut continuer à créer. Et Shelly Band a annoncé la publication de 12 nouvelles séries. Donc on en aura 4 par mois à partir de décembre qui vont se lancer. Donc en octobre, on aura The Twilight Children par Gilbert Hernandez et Darwin Cook. On aura aussi le Survivors Club de Lauren Boykes, Dale Havlorsen et Ryan Kelly. Et on aura Clean Room par Gail Simon et John Davis Hunt. Et on aura Art Ops par Sean Simon et Michael Red. En novembre, on aura aussi 4 Unfollow, j'aime bien le titre, par Rob Williams et Mike Dowling. Slash and Burn par C. Spencer, Max Dunbar et Andy Parks. On aura aussi Red Thorn par David Bailey et Morgan Etirk. Et Jacked par Eric Kripke et John Higgins. Et puis en décembre, on aura 4 autres. Sheriff of Bagdad par Tom King et Mitch Gerards. On aura New Romancer de Peter Milligan et Brett Parson. Et on aura Lucifer par Holly Black et Lee Garbutt. Et puis enfin, Last Gang in Town par Simon Oliver et Rufus Deglio. Voilà. Pour le moment, on a surtout les titres et des covers. Ouais. Hein. Je note juste l'arrivée d'une série Lucifer en décembre. C'est ça, moi aussi. Pour le lancement de la série en janvier. Voilà, je ne sais pas si ça a à voir, hein, ça se trouve, ça n'a rien à voir, mais bon, Oh, avec ce pourquoi pas? nom-là et dans l'univers Vertigo, voilà. Hein. Ouais. Après, là, comme ça, sur juste les covers, parce que j'ai pas eu le temps de regarder si, des histoires. Unfollow, avec cette cover avec une main qui tient un smartphone et il y a toute une série de têtes, un peu comme des avatars Twitter, enfin, qui sont comme une grille d'avatars. Il y en a quelques-uns qui sont maculés de sang avec l'empreinte du doigt du mec. Voilà. Pourquoi pas? Ça peut être tentant. Après, le reste, oui, bon, ça va être à suivre. Moi, j'attends surtout de regarder les pitchs, tout ça. Voilà, j'ai pas eu le temps de le faire là, mais. Quelques artistes intéressants, Darwin Cook, Michael Red, des choses comme ça. Bon. Peter Milligan aussi. À suivre à partir des sollicitations, surtout, on en saura un peu plus. Voilà pour l'univers DC et ses annonces pendant la Comic Con. Image n'a pas fait d'annonce puisqu'ils ont tenu une Image Expo quelques temps avant. Ils ont annoncé pas mal de nouvelles séries aussi. Mais on a quand même quelques autres éditeurs qui ont eu des infos, qui ont donné des infos, à commencer par Dark Horse. Et puisqu'il s'agit de Joss Whedon, bah forcément, c'est Arnaud qui nous en parle. Et c'est un twist parce qu'il ne revient pas à la télévision, mais dans les comics. Mais pas pour faire un comics de super-héros, puisqu'il avait travaillé sur les X-Men il y a quelques années. Mais il va créer une nouvelle série, une nouvelle mini-série qui s'appelle Twist, justement. Ah, c'est très drôle. là, j'avais vu. Beau lancement, dis donc. Et alors c'est une mini-série en 6 épisodes, il me semble avoir lu, qui en fait est un thriller à l'époque victorienne, donc au 19e siècle, sur une femme de chambre qui est donnée en pâture à un monstre. Sauf qu'au lieu de mourir, elle revient avec des connaissances, des pouvoirs, une rage qu'elle peut pas éloigner ni contrôler, et elle va sans doute se venger. Et Whedon a dit que c'était une sorte de Batman féminin. Le Batman féminin à l'époque victorienne. C'est ça. Bon, quand on connaît le talent de Joss Whedon quand il s'agit de nous créer des personnages féminins et d'explorer à la fois leur personnalité et leur univers, je dis pourquoi pas. Il y aura aussi une forte esthétique de steampunk. Et donc, vu Ah qu'il a bah fait oui. Firefly, on peut lui faire confiance sur Voilà. ça aussi. Juste, on connaît l'artiste qui va être avec lui ou pas? Non. Ok, il a Il ne juste se peut annoncé. pas. Ok. Donc c'est Mais c'est possible prévu qu'il pour 2016. Il n'y a pas Ah encore de oui, donc date. on a le temps. Ouais. Autre chose qui a été annoncée, et alors, c'est un truc qui, Improbable. comme ça, a l'air improbable et complètement Ça cheesy, tout ce que doit vous voudrez. Mais alors moi, ça me fait kiffer d'avance. être. Ah, moi, c'est clair, moi aussi. Alors, Rien que Clément, qu'est-ce que c'est? le concept, c'est génial. Alors, ce n'est ni plus ni moins, en gros, un partenariat, on va dire, entre Ouais. DC Comics et IDW Publishing, qui va nous proposer des épisodes à partir de novembre. Alors, tu vas voir recommencer parce que en fait, à chaque fois que tu parles, finalement, au moment où tu annonces le truc, eh ben ça coupe. Il y aura une malédiction sur toi. Et je recommence tout. Oh non, IDW. IDW, ils vont nous proposer et là après proposer. D'accord. Alors, IDW Publishing vont nous proposer une série en 6 numéros. Donc, l'équipe improbable, complètement improbable, entre Batman et les Tortues Ninja. Voilà. Bah Je moi trouve je ça génial. moi j'achète rien que sur le titre, j'achète. À moi aussi, j'achète rien que sur le titre Tortues Ninja et Batman, ça va être. En plus, le visuel de la cover est quand même Ah ouais, elle est trop classe, quoi, mais. assez chouette. Ça rappelle de bons souvenirs des années 90, je trouve. Ouais. Donc, Non, mais Tortue Ninja et Batman, c'est. voilà. Le scénariste, quand même, James Tynion Ford. Ils ont pas mis non plus n'importe qui Ah sur. oui! Voilà. Ah oui, je n'avais pas vu, tiens. Donc, voilà. Freddie E. Williams qui sera sur les dessins. Et puis, évidemment, Kevin Eastman va proposer des variant covers. Normal, c'est un peu le co-créateur des tortues. Donc, ben voilà. Ça, je sens que ça va être un carton. Enfin, ça serait marrant, quoi. Ouais, ça peut très très bien marcher, ça. En single, je sais pas, mais en TP, une fois que ça va sortir, ouais, il y a moyen que ça se vende Enfin, bien, moi, bien, bien. je le veux en single, quoi. C'est Suffit de le obligé. vendre en TP avec une petite figurine ou un truc. Ouais. Mais le concept, ça peut être le truc bien what the fuck, mais bien drôle, quoi. Donc voilà, alors c'est pour quand Novembre. novembre, ok. Eh bien, vivement novembre alors. Ouais, dites-moi novembre. Une autre chose annoncée toujours par IDW, Arnaud. Oui, alors il y a quelques temps, le réalisateur en parlait, il n'y aura pas de reboot de Retour vers le futur, mais on a appris que justement, il n'y aura pas de reboot, mais qu'il allait y avoir des comics, hein. Ce serait plutôt des comics préquels ou plus ou moins de la même époque. Et donc c'est pareil, c'est IDW Publishing qui publiera les comics Retour vers le futur, avec en scénariste Bob Gale, le scénariste du film. Donc ils n'ont pas pris n'importe qui, quelqu'un qui connaît bien l'univers. Et donc ça s'appellera Untold Tales and Alternate Timelines. Et donc on verra en fait tout ce qui s'est passé avant le film, pendant le film et qu'on n'a pas vu, pendant les films et qu'on n'a pas vu justement dans la franchise, voire des choses après. Et donc il sera rejoint par John Berber qui a travaillé sur Transformers et Eric Burnham qui a travaillé sur Ghostbusters. Voilà. En plus aussi il y aura au dessin, on aura Brent Schoonover qui a travaillé sur Batman 66, Dan Shooning qui a aussi travaillé sur Ghostbusters. Et Ok. le premier numéro qui sortira en octobre sur les quatre qui sont prévus se déroulera avant le film et en 1982. Et on assistera à la toute première rencontre entre Marty McFly et le Doc. Ok. Intéressant d'aller un peu plus loin et aussi moi je trouve intéressant le passage enfin voilà dans l'annonce et tout ça où il parle d'explorer les timelines d'explorer les différentes timelines, parce que c'est vrai qu'il y a une histoire d'impact sur les timelines dans Retour vers le futur et tout, et voilà, effectivement, de voir la suite, quoi, ce qu'on n'a pas vu justement sur ces chronologies-là, et ce qui s'est passé après, ou ce qui se passait avant l'arrivée des personnages. Enfin, voilà, c'est. Voire même juste un truc qu'on a vu dans le film auquel on n'a pas pensé, qui a créé une autre timeline à cause Oui, voilà. d'un gros changement, Voilà. etc. Donc du coup, c'est ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. On va terminer le gros bloc des annonces comics. Il y a quand même pas mal de petits trucs, hein, même si à côté du ciné et de la télé, ça n'est rien. Le palmarès des Eisner Awards, puisque comme tous les ans, les Eisner Awards ont eu lieu lors de la San Diego Comic Con. Un palmarès assez Comment? surprenant pour certaines choses, ouais. On va commencer peut-être par le meilleur épisode one shot, donc Best Single Issue, qui est Beast of Burden, Hunters and Gatherers, chez Dark Horse. Voilà, c'était opposé au numéro anniversaire des 75 ans de Marvel, à Multiversity Pax Americana de Grant Morrison et Frank Quitely, qui était une merveille absolue. Au numéro 16 d'Astro City aussi, enfin voilà, j'aurais pas parié sur Beast of Burden, mais bon, pourquoi pas. Meilleure série régulière, bah, comme en 2013. Comme en 2014, Saga par Brian Kevogan et Fiona Staples chez C'est Image. mérité. Donc troisième année de suite que Saga remporte voilà, cet award de la meilleure série régulière. Il est opposé à Astro City, Bandette, Hawkeye, Southern Bastards et The Walking Dead. Donc effectivement, face à tout cela, face à tous les autres nominés, il aurait été presque injuste que Saga ne l'ait pas. Même si ça fait 3 ans et qu'il serait peut-être temps de récompenser d'autres. Voilà, à la rigueur, Astro City qui est vraiment génial aussi chez Vertigo, mais voilà, c'est le seul concurrent sérieux qu'il avait dans la liste. Ouais. Meilleure série limitée, alors ce sera pas Sandman Overture, ça sera pas Private Eye de Brian Kevogan, ça sera pas Multiversity, et pourtant, Dieu sait Elle que l'a mérité. Multiversity aurait mérité, c'est Little Nemo Return to Slumberland par Eric Shanower et Gabriel Rodriguez et Ali W. Donc ça poursuit, voilà, l'univers de Little Nemo. Effectivement, c'est une mini-série magnifique, etc. Hein, tout ce qu'on voudra. Donc voilà, c'est quand même un award mérité, mais Multiversity, du coup, repart bredouille, alors que franchement, voilà, c'est du comics mainstream chez DC. On sait que les Eisner Awards n'aiment pas trop récompenser le mainstream, mais là, c'est un mainstream particulier, enfin vraiment, et puis super bien travaillé. Grant Morrison en aurait mérité, là, d'avoir quelque chose pour ça cette année, mais bon. Meilleure nouvelle série, Lumberjanes, chez Boombox. Donc, bah, Miss Marvel n'aura pas cet award. Tristesse. Comme quoi, le mainstream ne plaît vraiment pas. C'est ça. En tout cas, ne plaît pas au jury des Eisner. Qu'est-ce qu'on peut citer encore bah, Lumberjanes qui emporte également l'award de la meilleure série pour ados. Et la meilleure. Non, meilleure, non, on s'en fout. Meilleure, voilà, meilleure comic digital de webcomic, là, The Private Eye de Brian Kevogan et Marcos Martin est récompensé et c'est amplement mérité. C'est vraiment extraordinaire cette série. Qu'est-ce qu'on peut encore citer dans tout ce qui va être les projets avant de parler des personnes? Bon, pas grand-chose. On va donc passer au meilleur scénariste. Et alors, grosse surprise. Donc on avait Jason Aaron qui était nominé. On avait Kelly Sue DeConnick. On avait Grant Morrison pour The Multiversity. On avait Brian Kevogan pour Saga et Private Eye. On avait J. Willow Wilson pour Miss Marvel. Et c'est Gene Wen Yang qui remporte le prix. Pour Avatar, The Last Airbender chez Dark Horse et The Shadow Hero chez First Second. Voilà. Alors certes, sa série Avatar est extraordinaire, mais quand même en face, Brian Kevogan et Grant Morrison. C'est clair. C'est une grosse surprise pour moi. Après, voilà, c'est un award qui est mérité. Ça va faire un bien fou à DC, puisque Gene Wen Yang est quand même le nouveau scénariste de la série Superman dans le DCU. Donc voilà. Tant mieux pour lui, hein, mais bon, je pense que là aussi d'autres. Meilleur artiste. Fiona Staples, Image, Normal. Saga, voilà, Normal. normal. Et de 3, troisième trophée de suite également pour Fiona Staples, comme Saga, elle est récompensée 3 années En de même temps, suite. c'est tellement beau, Donc ils auraient pu faire le triple-triple avec Brian Kevogan qui aurait reçu pour la troisième fois aussi le meilleur scénariste, mais voilà. Sont passés à côté pour une fois, mais voilà, on avait aussi Frank Quitely pour Multiversity qui était nominé, Adrian Alfona pour Miss Marvel, Michael Red pour Silver Surfer, et puis Babstar pour Bad Girl et Françoise Schoutein pour The Leaning Girl chez Axie Press. Voilà. Donc au final, Staples mérité évidemment. G.H. Williams 3, et c'est ce qui a dû faire plaisir à Arnaud, a remporté l'award du meilleur artiste, alors que artiste peintre ou artiste qui travaille sur palette graphique multimédia. Hein. Il a reçu ça pour The Sandman Overture chez Vertigo. Meilleur artiste de couverture Darwin Cook pour toutes les variantes cover qu'il avait fait sur le thème des variantes cover Darwin Cook de mois de je ne sais plus quoi d'ailleurs chez DC. Et puis on peut terminer, bon c'est tout, peut-être le Hall of Fame qui voit rejoindre toutes les légendes des comics. Donc cette année rejoignent le Hall of Fame Marjorie Anderson Boole et Bill Wongan, mais aussi John Byrne, Chris Claremont, Denise Kitchen et Frank Miller. Voilà. Voilà, bon, The Eisner Awards un peu surprenant, mais finalement, voilà, saga reste encore une fois loin devant tous les autres. On va passer maintenant au bloc des actus télé. Non, ciné d'abord, excusez-moi. On va commencer par les actus ciné. Sans gros suspense, c'est à ce moment-là que du côté de chez Clément, il va se passer quelque chose. Hein. Alors, pas encore là, même si c'est lui qui va nous en parler, il va nous parler Ouais. de tout ce qui a été annoncé dans l'univers Marvel du côté de l'actu ciné. Ça viendra un petit peu plus tard, mais Ouais, ça un peu viendra. plus tard. Ça viendra. Ça va être sale, très sale. Allez Clément, l'univers Marvel, on a eu quoi en Ouais. premier? On a eu bah, un trailer que bon, le monde entier n'a pas vu, à part une petite version piratée qui Ouais, a depuis été chassée c'est par la ça, Fox. c'est ça. Oui, donc c'est ni plus ni moins que les T'as vu hein, Carnot? À trois chaque... éléments. à chaque fois qu'il annonce un truc, ça coupe, c'est dingue quand même. Pas Oui. possible. T'as vraiment une espèce de ouais de ouais, il y a un truc au-dessus de toi qui fait qu'à chaque fois que tu vas cracher le morceau, bah voilà. C'est ça. Ça reste dans ta bouche. Allez, c'est parti. Tu peux y aller. Donc on a eu un trailer. C'est ça. Un trailer qui n'a pas du tout fuité, qui Un a trailer de été quoi? T'as coupé. de Deadpool. Eh oui, le trailer de Deadpool. Deadpool, même en qualité dégueulasse, ça a l'air tellement fun, tellement dans l'esprit du comics. Oui, ouais, mais c'est voilà, c'est clair. Après, sur un film qui dure très longtemps, alors là on a eu énormément d'humour, énormément de blagues, de machin, sur un film d'une heure et demie ou même plus de 2 heures, peut-être, j'ai peur quand même que ça soit Ah fatigant. non, Fatigant à ah ouais, je force. pense À pas. force. Hein. Je pense qu'ils ont voulu marquer le coup pour montrer vraiment c'était toujours Oui, l'esprit pour du montrer, ça y personnage. est, on a Ils ont Deadpool. mis Voilà. la dose d'humour, mais je suis pas que ce soit la même chose. Mais clairement, en tout cas, je pense que ça sera sûrement un peu plus dilué dans le film, on va Oui, dire bah, ça comme ça. j'espère. Mais en tout cas, voilà, le trailer, ça laisse l'impression, pour ceux qui lisent le comic, moi j'ai eu l'impression Bah, de on est à la lire le maison. comic, quoi. On est à la C'est maison, ça, c'est c'est clairement, là, pour le, ils ont compris leur erreur. Ça se sent que voilà, ils veulent être clairement dans l'esprit du comics et j'ai envie de dire vive le Alors, classement du film moins de 17, c'est ça? Si je ouais, dis il me pas de semble. bêtises. Donc j'ai envie de dire heureusement moins de 17 parce que ça va être Ouais. franchement je pense que ça va être vraiment poilant quoi. Quelques scènes d'action qui ont l'air Ont plutôt l'air très sympa. fun. Enfin, Ça ils a sont pas l'air trop attardés vraiment. dessus non plus, mais ça a l'air plutôt dynamique. Ça a l'air fun. Le côté méta, on le retrouve avec cette petite référence au costume vert. Ouais. Enfin voilà, quand on entend Ryan Reynolds dire ça, voilà, c'est assez incroyable. Donc non, voilà, tout a l'air d'être là. Et le film que j'adore, Deadpool, que j'attendais pas du tout, bah au final, peut-être que je vais commencer à avoir envie d'aller le voir. Ah, moi, depuis le début, depuis que j'ai vu le costume, et c'est vrai que C'est la peau de raisin qui a fait ça. rien que la promo, ils ont lancé une promo parce que je crois quelques jours avant, il y avait Hunger Games qui avait lancé un poster de la promo, et Oui, forcément, bah, c'était mis sur le trône, ouais. c'est ça, j'ai trouvé ça génial. C'est dans l'esprit de Deadpool. Rien que la promo. Je crois qu'ils avaient fait aussi pareil leur compte Twitter, le seul abonnement. Je sais plus, c'était une C'était histoire Hello d'abonnement. Kitty. Ah oui, c'est ça, c'était Hello Kitty. Mais enfin, même dans la promo, ils sont Oui, non, mais voilà, dans le troll ils version maîtrisent leur Deadpool. truc. Je pense C'est que ça. Ryan Reynolds n'est vraiment pas pour rien et que. Ah ouais, ça, il a un pour une, il est vra il a l'air vraiment impliqué et on sent qu'il fait ça par plaisir, quoi. Donc honnêtement, c'est certainement l'un des films que j'attends le plus. Clairement, c'est clair. Alors, on va continuer toujours bah, sur la Fox Ouais. et on va parler maintenant du dernier film avec Hugh Jackman. Enfin, en Ouais. attendant le prochain dernier. En attendant le prochain dernier, c'est ça. Donc oui, Wolverine 3, donc ça a été confirmé, hein, c'est ça. Oui. Ça sera Oui. Old Man Logan, une adaptation de Old Man Logan. Donc est-ce que c'est surprenant? Non. Maintenant, faut voir. Attends, Old Man Jackman, hein, donc il y a un moment. Voilà, ça va bien. Enfin, c'est logique quoi pour conclure les 15 ans, 16 ans, même plus. C'est quand même énorme, quoi. C'est assez dingue. Donc, c'est logique. Maintenant, j'attends pas spécialement, moi, ce Pas film. du tout. Pas J'ai toujours moi, pas pas vu le du tout. 2. La seule chose qui Toi. m'intéresse, c'est que ce soit Old Man Logan, et à la rigueur, c'est la seule chose qui pourrait me Ouais, faire c'est aller voir ça. ça. Après, voilà, Hugh Jackman, bon, oui, ok, il est pas mal dans Wolverine, mais vraiment, moi, ces films-là, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. C'est ça. Moi aussi. Voilà. Le trailer d'Apocalypse maintenant, Clément, pour Ouais, continuer. bah c'est tombé aujourd'hui, donc le 13 juillet, le jour où on enregistre. Bah, cette version, encore une fois, hein, leakée, je ne sais pas si elle va être dévoilée. Moi, je Mais l'ai pas bon. vu, hein. Donc, ce y a que voilà. D'ailleurs, le full sera disponible en HD dans 3 semaines, d'après Ryan Reynolds. Là, pour Apocalypse, bah, c'était en version aussi assez dégueulasse, mais on voyait quand même des choses. Apparemment, les effets spéciaux n'avaient pas l'air finalisés, ils sont à 5 semaines de tournage. En tout cas, des premières images que j'ai pu voir en version, encore une fois, pas terrible, ça m'intrigue. Ça m'intrigue vraiment, ça a l'air d'être un X-Men vraiment assez sombre. Donc, il y a certaines suppositions qui avaient été faites qui semblent se confirmer. Donc vraiment, moi j'attends, je suis assez curieux, même si je me doute que Mathieu ne sera pas curieux dans la mesure où il n'a pas aimé X-Men, le dernier X-Men. Donc j'attends, Ouais, voilà. je suis curieux. Voilà. Le Là résumé. encore, ça bouge pas. Ça touche, mais ça C'est bouge pas. ça. Après, il a l'air, contrairement peut-être avec Days of Future Past, il a l'air de régner une ambiance assez sympa, assez bon enfant dans l'équipe, etc. Quand on voit le Ouais. panel, quand on voit un petit peu ce qui s'est C'est passé ça. entre les équipes de Deadpool, de Apocalypse et de. Avec Gambit également, Fantastic Four. Voilà. Le panel était sympa. En tout cas, la Fox a envie de nous faire passer l'image que bah, ça se passe bien, quoi. C'est ça, tout Après, ça suffit pas à me donner envie de voir un film, mais à au moins c'est bien, quoi. Et, allez, on va boucler l'univers Marvel. Pas grand-chose hein, du côté de l'univers Marvel. Enfin, un petit, ouais, deux petits trailers. On va passer au grand Oui. moment. Oh oui. Voilà. Oh oui. Arnaud, c'est toi qui va avoir cet honneur de nous parler peut-être des deux trailers qui ont fait le plus parler ce week-end. Le premier a été vu presque Ah, 11 millions de fois en 24 heures. c'est énorme. Arnaud. Et c'est lors du panel de la Warner qu'on a enfin eu déjà les premières images de Suicide Squad, qui Ouais. malheureusement ne sortiront pas sur Internet. La Warner l'a Partout désolé. confirmé. Merci Warner. Et puis bien sûr, un très long trailer de 4 minutes de Batman vs Superman, qui est juste dantesque. Franchement, Jubilatif. alors Ça avant de donne s'attarder très sur très envie. Batman vs Superman, comme on l'a vu a priori les trois, celui de Suicide Squad, Ouais. on va quand même en dire deux mots, même s'il ne sera pas sur Internet pour le moment. La Warner nous refait le coup des premières images de Batman vs Superman, justement, il y a 2 ans, où ça avait été la galère pour les voir. Enfin voilà. Leur excuse, c'est le film est encore en tournage, ça a été fait uniquement pour la Comic-Con et pour être vu sur ces écrans-là. Ouais, d'accord, Bien super. sûr, Voilà. bien sûr. Donc, un trailer de Suicide Squad où on voit tout le monde. Ouais. On voit Amanda Waller qui prend une place importante dans ce trailer parce que bah, normal, c'est pour introduire la Suicide Squad, etc. Donc, c'est plutôt bien pensé. On voit Harley Quinn, évidemment. Beaucoup. On la voit pas mal, ouais. Et moi, j'ai été plutôt convaincu. Ouais, moi aussi. On voit Deadshot. Bon, voilà, Ouais. on en voit d'autres. Mais on a surtout, enfin, à la fin, Le on a Joker. le Joker à Il a l'image et l'air. surtout au son. On a la voix du nouveau Joker de version, merde, comment il s'appelle, Jared Leto. Jared Leto. Jared Leto, comment je peux oublier ça? Il a l'air flippant. Et ouais, les cris dans la Il a salle au l'air. moment où il est apparu, enfin voilà, Il a c'est l'air. impressionnant. Il a l'air. Franchement, il a l'air hyper flippant, quoi. Il a l'air taré surtout, enfin Ah voilà. ouais, mais taré, mais je crois que ça va. Je pense que ce Joker-là peut encore être d'anthologie. Ça a l'air d'être totalement un style différent par rapport à Heath Ledger. Mais honnêtement, rien que le look, il fait peur. Honnêtement, ça a l'air d'être un gros psychopathe, quoi. Ouais, non, c'est sympa, c'est sympa. En tout cas, le Joker prend une place, Ouais. et regardez la belle transition, prend une place importante dans l'univers DC, puisqu'on a vu sa trace également dans l'autre trailer. Ouais, Oui, Donc, le trailer tellement de Batman innovant. v Superman, presque 4 minutes, tu l'as dit Arnaud, énormément centré sur Batman et sur Superman, mais aussi sur Bruce Wayne. Ouais. Et ça m'a fait plaisir de ne pas avoir que du Batman et d'avoir du Bruce Wayne. Mais il y a pas mal d'infos, hein, mine de rien, Et de dans ce voir un trailer. Ben Affleck assez à l'aise Convaincant. dans les deux Ouais. cas. Dans ce trailer, en tout cas. On a vu Gal Gadot en Wonder Woman. Classe. Franchement, je la trouve. Alors, oui, mais alors, ils l'ont mis parce qu'il fallait la mettre. Ouais. Ils savaient pas où la foutre, alors ils l'ont posée là. C'est ça. Et c'est le moment du trailer où tu comprends pas pourquoi ça arrive, pourquoi. Enfin, Ouais, mais qu'est-ce ça fait qui. plaisir quand même. Ça Ça fait fait plaisir. plaisir de la. Mais Ça à donne mon avis, c'est pas là qu'il fallait le mettre. Ouais, peut-être à la fin. Après, envie. Peut-être, mais. effectivement, tu la vois en train de donner son Sans coup, doute. là, et machin, et voilà, juste ça. Ouais. Mais là, en plein posé, en plein milieu comme ça, c'est un peu. Voilà, je sais pas Ouais, où mais mettre, bon. je vous le mets là. C'est une phase. Mais Bien pire. Et voilà, et on imagine que maintenant, dans le prochain, on aura Aquaman, et voilà, et que ça va, de trailer en trailer, on va avoir de plus en plus de monde, et c'est cool. Lex Luthor aussi, Oui, Jesse Eisenberg. qui a l'air de pas mal diviser, hein, les premières. Bah, moi, il m'a plutôt convaincu, plus On a la que version Moi aussi. chevelue, pour le moment, qui m'a plutôt plu. Et il a l'air. Moi, ça m'a laissé une très bonne impression. Ça sent un style différent, mais c'est vrai que moi, je trouve ça plutôt convaincant. Bon, en même temps, tes draps s'en souviennent encore de ce trailer, donc Oh! Oh, c'est oui, t'as horrible! été convaincu partout, voilà. Non, mais ouais. Moi qui n'avais jusque-là pas encore, enfin, ni plus, ni envie, ni pas envie d'aller le voir, juste, voilà, quoi. Là, ça commence aussi. Franchement, Ouais, on autant le sent premier un peu. trailer, Bon, il n'y avait rien. j'avais été un peu déçu même. Enfin, voilà, je me suis dit, ouais, ok. Autant là, le deuxième. Voilà, il est vraiment épique, il est vraiment, il explique beaucoup de choses. Le fait de voir ce costume de Robin brûlé avec la Oh phrase là du là. Joker dessus, c'est voilà, Jason Todd et compagnie, enfin voilà. Ouais. Non, c'est surtout, voilà, on voit que bah, le film, clairement, ça va traiter des conséquences de Man of Steel. Et ça fait plaisir parce que je me souviens que lors de la sortie, bah, quand le film est sorti, les gens ont gueulé, ouais, mais il y a eu de la baston, ils ont massacré la ville, il n'y a aucune conséquence derrière. Et finalement, visiblement, c'est de là que tout va découler le propos Bah, du film. l'antagonisme entre Batman C'est et ça. Superman, ouais, découle Donc, de là. honnêtement, je pense que ça va être très intéressant. Et effectivement, à la Bien place de traité. Bruce Wayne, me trouver au milieu Oui. de cette bataille et voir ma Wayne Tower être complètement explosée par cet C'est ça. affrontement, oui, effectivement, je peux comprendre qu'il lui envahit Et un peu. ouais, et en parlant du coup Bruce Wayne de Batman, il a l'air quand même vachement badass, très imposant, et ça a l'air d'être un Batman, comment dire, bah dans la lignée effectivement de Dark Knight Returns, quoi. Oui et non, enfin voilà, moi j'ai l'impression que c'est vraiment un Batman qui a raccroché suite au traumatisme C'est de la ça. mort de Jason Todd, parce que c'est pas pour rien qu'on nous montre ça. Il a raccroché suite à ce traumatisme-là, trop c'est trop, et du coup bah là il va revenir parce qu'effectivement il y a peut-être une menace un peu C'est vrai supérieure et que voilà, des raisons qui font revenir, mais ça a l'air la la kryptonite, cryptologie. le corps de Zod, tout ça, enfin voilà. Donc c'est vrai que maintenant ça laisse plein de suppositions. Je sais que j'avais lu des suppositions sur Internet, il y en a qui laissaient penser que soit le film pourrait introduire Doomsday. Donc, ça serait pas impossible finalement avec ce qu'on voit dans la bande-annonce à voir, mais voilà, c'est vrai que la bande-annonce déjà pose le propos du film, donc il Ça pose, s'annonce. ouais, ça pose l'opposition, quoi. Là, on sait pourquoi, on sait que ça va Ouais. très mal se passer, visiblement, et c'est, voilà. Ouais, mais du coup, c'est vrai qu'il y a eu des articles par rapport à ça, et c'est vrai qu'on sent tout de suite, enfin, la patte de DC, c'est clairement différent de Marvel. Ça le confirme encore une fois, et c'est vrai que ça pose un propos très sérieux qui a l'air assez sombre en même, mais voilà, c'est intéressant. Moi, j'ai retenu une image, c'est même Batman va pas visiblement intervenir que je sais pas où ça passera, Metropolis ou Gotham, je suppose Metropolis, un Batman dans le désert, je crois. Oui. Et d'ailleurs, ils ont dévoilé une image aujourd'hui, et voilà, c'est un trailer qui pose à la fois plein de questions, qui pose plein d'éléments, mais c'est vraiment un trailer enfin, effectivement, moi, j'ai été bouche bée tout le long du trailer. J'en attendais pas autant. Ce qui est intriguant dans ce passage dans le désert, c'est de Ouais. voir le logo de Superman sur le bras des militaires. C'est ça. Et Et puis la phrase The Red ça, Cliffs comment are coming. Oui. ouais, quelle certitude, Donc bon, ouais. voilà. Intéressant tout ça, intéressant à suivre, évidemment. Allez, on va terminer avec l'univers DC et avec la partie ciné. On va parler d'animation maintenant. Un film d'animation, enfin trois films d'animation ont été annoncés du côté de chez DC. On a eu Batman Bad Blood avec Batwoman dans ce film. Et Justice League versus Titans, voilà, qui ont été annoncés pour 2016. Ce sont deux films originaux, c'est-à-dire qu'ils n'adaptent pas Dark des comics. Et puis le troisième, quant à lui, pour 2016, est une adaptation par Monsieur Bruce Timm, et c'est juste The Killing Joke. Suite à cette annonce, Mark Hamill a dit « Je veux doubler le Joker Ah ça, ah ça c'est bien ça. ». Voilà. Voilà, la voix légendaire du Joker, c'est lui, et Ah oui, effectivement, elle est ça serait tellement un bien. joli cadeau aux fans que de lui permettre de revenir. Ah oui. Allez. En tout cas, lui, il a envie. Ouais, donc s'il a envie, Faut le faire. il peut le faire, quoi. Voilà. Allez, à suivre pour toutes ces actus ciné, évidemment. On en reparlera dès la rentrée, voilà, dans le mag et dans toute, durant toute la saison, parce que nul doute que ça va continuer à bouger. Et on va parler maintenant de la télé, puisqu'il y a eu c'est peut-être la partie où il y a eu le plus de choses annoncées, c'est la télé. On n'a pas, voilà, certes, on a eu peu de choses au ciné, c'était mais des trailers et des grosses annonces, mais alors la télé, c'est parti dans tous les sens. Ah On va oui, commencer ça. avec l'univers Marvel, qui était finalement très calme. Arnaud, on a appris quelques trucs, dont un concernant Agents of S.H.I.E.L.D. On a appris un des ennemis. Enfin, ils ont pas officialisé que c'était un des ennemis de la saison 3, mais vu son histoire dans les comics, on peut s'en douter. C'est l'apparition de Lash, qu'on a vu justement dans la série Inhuman de Charles Soule. Et donc dans le comics, en fait, c'est un inhumain avec qui a une carrure de monstre, c'est plutôt un monstre, avec une chevelure faite de piques. Et en fait, suite à la bombe thanatogène, etc., qui explose sur la Terre, il se met en chasse des nouveaux inhumains pour garder seulement ceux qui sont purs et, entre guillemets, dignes de vivre inhumains. Et donc, le personnage apparaîtra dans la saison 3, on ne sait pas comment, mais on peut se douter qu'avec la fin de la saison 2 d'Agents of S.H.I.E.L.D., où on a des morceaux de brume Qui sont qui se partout, hein. répand dans l'océan avec les poissons, tout ça, que il va y avoir des transformations d'inhumains, et que justement les Secret Warriors dirigés par Sky vont partir à leur recherche et vont sans doute croiser Lash, qui va essayer de les retrouver, de les exterminer. Et Voilà, à je connais. savoir, c'est que Lash vient d'une autre cité inhumaine, qui n'est pas celle qu'on a vue dans la série, qui n'est pas non plus celle de D'Attila. Dutilan, mais il vient de Orolan. Voilà. Donc du coup, voilà, intéressant d'avoir ce personnage créé très récemment en plus, donc je suis plutôt emballé par ça. Et puis Clément, toi, ce que tu as voulu souligner, et c'est quelque chose qu'on peut souligner en général sur l'ensemble de la convention, hein, cette espèce de bonne humeur qui a vraiment régné sur ces 3-4 jours là, C'est c'était ça. vraiment agréable de voir les photos, toutes les photos, les petites vidéos comme ça un peu en dehors des panels, et notamment effectivement, voilà, Cette guerre de dub match entre le cast de donc Agent Carter et de Agents of S.H.I.E.L.D. J'ai découvert ça par hasard sur Twitter, mais enfin voilà, ça inspire la bonne humeur, on sent que les équipes s'entendent super bien. Moi je retiendrai une image, Bah c'est évidemment. Clark Gregg avec son chapeau en rouge à lèvres, c'est juste Ouais. Déguisé Clark en agent de Gregg. Carter. Clark Gregg en Peggy Carter, c'est quand même le truc, mais absolument improbable. Tu les vois tous s'écarter et tout, et là t'as lui qui est là et qui se lève. Enfin, c'est Ils ont vraiment gagné. une des images de cette Comic-Con, voilà, de cette année. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas dans les panels, qui n'est pas un trailer, qui n'est pas une annonce, etc., mais qui montre bien, voilà, une espèce d'ambiance. Ça, le selfie avec Stan Lee et tous les membres au cinéma de la Fox, une espèce d'immense selfie sur scène. Enfin voilà, Marvel montre aussi quelque chose. L'arrivée en Batmobile de Zack Snyder, enfin voilà, des petites choses comme ça qui font partie. Voilà, il y a les annonces, il y a aussi tout ce qui se passe à côté, le spectacle, il y a le fun, et voilà, c'est aussi San Diego, ça. Maintenant, on va passer à l'univers DC du côté de la télé. Et alors là, ils parlent pas forcément beaucoup dans l'année, mais alors à San Diego. Ils sont fait plaisir. On va commencer avec un trailer. C'est un énorme coup de cœur, ce trailer, pour moi. Le Hero Evolution trailer de la CW, qui est un trailer pour évidemment promouvoir Legends of Tomorrow, mais qui sert aussi à revenir sur The Flash et sur Arrow. Enfin voilà, c'est toute l'évolution des héros dans l'univers de la CW depuis la première saison d'Arrow. Donc on a une espèce de recap de tout ce qui s'est passé. Et évidemment, ça finit par du gros teasing sur Legends of Tomorrow. C'est un gros coup de cœur parce que évidemment c'est très bien les images choisies, etc. Enfin là, c'est un bon truc pour prendre le chemin en route. Mais cette idée de mêler les images des comics aux images réelles, et en plus de le faire bien, parce que visuellement c'est beau. Voilà, c'est vraiment un trailer que j'ai adoré. Il est vraiment beau. C'est une super idée, et c'est étonnant que personne n'y pensait avant. Ouais, et puis non, puis c'est bien fait, quoi. Et les dessins choisis sont pertinents et tout. Enfin, voilà, c'est les petits textes et tout en caractère. Les personnages comics qui se déplacent et tout. Voilà, donc c'est bien, bien, messieurs, dames de la CW. Et puisqu'on est sur Legends of Tomorrow, bah on va y rester un petit peu, Arnaud. Oui, alors on savait déjà que Hawk Girl faisait partie du casting, hein. Mais bien sûr, quand on pense à Hawk Girl, on pense aussi à Hawkman, hein, qui fera Ouais. aussi partie de la série. Alors on n'en sait pas plus, hein. On ne sait pas quelle version de Hawkman apparaître, mais Geoff Jones a révélé que le personnage fera bien partie de la série. Et c'est tant mieux. Ouais, c'est clair. C'est une bonne nouvelle. Je regarde si on a d'autres annonces concernant la série Legends of Tomorrow. Non, donc on va pouvoir passer à The Flash maintenant. Et le petit cœur de tous les fanboys de The Flash forcément se met en route quand on nous annonce des choses comme ça. On nous annonce quand même deux personnages incroyables. Arnaud. Voire 3. Ouais, moi deux, parce que la troisième, toi tu l'aimes bien, mais moi. Ah, tu parlais de. D'accord. Bah oui. Et alors oui, on avait eu un teasing dans le final de The Flash avec ce casque. Et on verra bien Jay Garrick, le premier Flash dans la série. Donc, qui sera incarné par Teddy Sears, qu'on a vu dans Masters of Sex. Et qui, donc, comme il l'avait promis, on explorera bien la Terre 2. Et donc, on sait que cette version de Jay Garrick sera ce sera un personnage qui vient donc d'un univers alternatif qui arrive à Central City pour prévenir Barry et toute l'équipe d'un danger qui se prépare. Voilà. Donc on aura lui, on en aura une autre. Patty Spivo, oui. Donc, qui est un personnage récent dans les comics, hein, qui est apparu un petit peu avant les New 52, je crois. Ou au tout début des New 52. En tout cas, au début des New 52, c'est la nouvelle petite amie de Barry Allen. Donc, c'est plus Iris, c'est Patty Spivo. Et donc, elle sera incarnée par, alors, Chantel Van Chanten, hein, qu'on a vu dans The Messenger of CW, dans One Tree Hill. Et dans le film Destination Finale. Vas-y, j'espère qu'elle n'oubliera pas le Cantel, Chantel, mais voilà, j'ai eu ça en tête, je sais pas, désolé, désolé Pourquoi pas? pour toutes les Chantelles, mais Il ne va du pas y coup. avoir beaucoup. Et donc, Patty, c'est une femme obsédée par les méta-humains. Coucou Iris. Et c'est donc maintenant, avec ce qui arrive à Eddie. Ce sera la nouvelle partenaire de Joe. Voilà. Et elle va permettre d'explorer le côté un peu CSI, enfin le côté forensics de la police, enfin justement tout ce côté police scientifique, etc. Qu'on voit un Qui petit peu avec Barry, mais. manque un peu, parce qu'effectivement c'est quand même le boulot de Barry, et ça on le voit pas trop dans la saison 1, c'est vrai. Et du coup bah, on va le voir grâce à elle, et moi je trouve ça plutôt bien. Parce que finalement ce qu'on avait au départ dans le tout premier épisode, quand Barry identifie une voiture, rien qu'en regardant les traces de pneus, ben voilà tout ce côté un peu police scientifique et nerd poussé à l'extrême, c'est intéressant aussi, et du coup, ça sera sympa de le voir. Mais bon, celui qu'on attend, évidemment, qui était l'objet de rumeurs depuis le milieu de la saison 1, enfin on sait qu'il sera là. Il l'avait teasé, donc après Barry, après Jay Garrick, il y aura un autre speedster, c'est Wally West qui arrivera dans la saison 2. C'est le co-créateur Andrew Kreisberg qui l'a confirmé au panel. Donc on ne sait rien sur le personnage dans la série, on sait juste qui sera là. Mais en tout cas, c'est un personnage très attendu, surtout s'ils utilisent la version des New 52, ce qui pourrait être intéressant. Wow, même la version Kid Flash et tout, l'ancienne et tout, enfin voilà, tout est bien dans Wally West, tout est bien. Donc ouais, j'ai hâte, j'espère que ce sera pas juste une petite apparition pour l'introduire au milieu de saison ou en fin de saison et après le garder pour plus tard. Ouais, j'espère vraiment qu'on va le voir, quoi. Non, je pense qu'on le verra sans doute pour la mi-saison. Ouais, voilà, j'ai un. Je suis capable de faire ça. Ouais. Je pense qu'il arrivera plus tard, parce qu'il n'est pas casté, donc voilà, ça veut aussi dire quelque chose qu'il ne soit pas encore casté. Enfin, en tout cas, on ne sait pas encore. Qu'il est casté, on sait pas, on n'a pas de nom d'acteur, contrairement aux deux autres, donc il devra arriver assez vite, on sait qui ils sont. Là, pour le coup, pour Wally, on n'a rien encore, donc effectivement, ça sent plutôt la mi-saison, voire même encore plus tard. Toujours sur Flash, on a appris des choses concernant les méchants, Clément. Ouais, donc on sait qui sera le méchant de Bad Guy de la seconde saison. Et ben donc ça sera Zoom. Voilà. Mais La apparemment Némésis, quoi. mais le Némésis, quoi, mais apparemment ce ne serait pas Eobard Thawne. Donc ça serait trop simple, quoi. Donc surprenant, non. Donc, à voir. Bah, ça ne serait pas Eobard Thawne, ça on ne sait pas. On sait que ça n'est pas, en tout cas, comment il s'appelle, Harrison Wells, mais voilà. Oui, On sait c'est jamais. vrai. On sait que c'est un personnage qui va vite, très très très vite, plus vite que Flash, et que voilà, il va être vraiment très dur. Voilà, il va être coriace, quoi. C'est ça. Et on le voit à la fin du petit du trailer de The Flash là, qui fait un récap de la saison 1. À la fin, on a effectivement cette traînée bleue qui traverse toute la ville, effectivement à une vitesse Ah bon? ahurissante. Ouais. J'ai pas Donc regardé. on voit pas le personnage, on voit pas tout Ah, ça, c'est mais on ça. a effectivement un plan de la ville vu de très très haut. Et tu vois bah, pas un éclair rouge cette fois, mais une lumière Ah. bleue qui navigue dans les rues de la ville à une vitesse incroyable. Sérieux? Vous devez aller voir ça. Donc Ok, voilà. voir ça. On a également appris d'autres choses sur les méchants, Clément, de la saison, sur les bad guys. Donc, oui, donc un retour, donc Gorilla Grodd, donc Bah heureusement qu'il revient en même temps, si c'est heureusement. arrêté avec ce qu'ils en ont fait juste une fois. Ouais, non, moi j'avais beaucoup aimé, j'avais Oui, trouvé ça mais bien. voilà, il mérite plus que juste ce qu'il a eu, quoi. Oui, ah bah oui, Gorilla Grodd et de nouveau Rogue. Donc Voilà. ça, j'attends de voir. Moi, si, rien que de voir Captain Cold, j'adore Captain Cold. Voilà. C'est dingue parce que je regarde comment est conçu le conducteur pour cette partie de l'émission, et plus ça va, plus on va descendre. C'est-à-dire qu'on était sur Legends of Tomorrow, The Flash, là maintenant on va parler d'Arrow. Et vous allez voir, après ça va encore, on va descendre dans les bas-fonds. On n'a pas fait les pires. Ils ont épargné deux séries quand même. Oui, bah c'est bien. C'est Ce qui nous attend pour après, c'est déjà pas mal. ça. Arrow, allez, Clément, Arrow, Ouais. on a appris Deux plusieurs choses. choses. D'abord, on va parler un peu mode. C'est ça, un peu mode. Donc, Stéphane Hamel a fait juste une petite apparition lors de la Comic Con avec un nouveau costume. Et donc, merci Mathieu, tu m'avais envoyé le lien avec un monologue. Et ben, n'a ni plus ni moins que dévoilé le nom qu'on attend depuis le lancement de la série. Donc, Arrow aura pour nouveau nom Green Arrow. Ce sera le titre du Voilà. premier épisode en plus. Donc du coup, voilà. Et l'entendre, enfin ce monologue effectivement, il est assez, comment dire, il est assez anecdotique, Oui, voilà. Il nous anecdotique. avait fait la petite lecture déjà à la table l'année dernière du texte introductif, mais là voilà, il arrive en costume, il commence par la lecture de ce fameux propos là qui fait au début de chaque épisode, My name is Oliver Queen et compagnie, et très vite ça dérive de ce qu'on connaît et ça voilà, ça termine avec juste ce nom Green Arrow prononcé par l'acteur et compagnie. Voilà, là aussi il y a un moment assez important dans le panel, quoi. Et le costume alors? Parce qu'on est là pour parler mode. Ça fait Smallville. Moi, non, quand même pas. Avec les bras un peu Je pense découverts, qu'ils ont tout ça, ça fait je pense hein, Smallville. franchement qu'ils ont ressorti des concept art de Smallville et qu'ils les ont un peu retravaillés. Mais bon, Ça y après. ressemble. Hein. Oh, Voilà, honnêtement, j'ai vu pire. ah non, on n'a pas dit qu'il est Ah, moche. Il a été retravaillé, donc il n'est pas oui. désastreux. Mais le concept de base, Ouais. la vue globale, ça fait penser quand même à Smallville. Mais Ouais, après, il est plutôt bien. Il est bien je le comme trouve costume, pas il n'y a pas de dégueulasse. souci. Il n'y a pas de souci. En tout cas, il est mieux que. Robocop. Ah oui, l'autre, c'est... Ouh là Bah, là. Deagle, on savait qu'il allait avoir un costume. Mais alors, putain, Mais alors, il le est pauvre. dégueulasse. Alors déjà qu'on a eu Atom, c'était un sous Iron Man. Là, une fois un sous Robocop. Après, voilà, on a eu une Alors. photo de loin, on n'a pas eu le truc en HD, enfin la belle, Ouais, mais c'est bon. une photo un peu Ouais. floue et tout. On peut espérer que la vraie image Espérons. sera. Voilà, parce que là, qu'est-ce que c'est que ce truc qu'ils ont mis sur la tête? Non, tu sais, ça me fait penser aux mecs dans Hunger Games. Les mecs, là, les espèces de mecs de policiers ou je ne sais quoi Je sais pas, qui... moi c'est pas un truc que j'ai suivi Ouais, je sais Hunger Games. pas. Non, mais ça me fait Après. penser à ça. Moi, je pense, enfin voilà, cette espèce de casque de visière qu'il a devant les yeux, ça fait très réalité C'est augmentée. ça. Voilà, je pense que ça va être un casque qui va lui projeter des choses qui vont lui permettre sur le terrain d'être plus efficace, pouvoir changer peut-être sa vision, passer en thermique, en infrarouge ou en compagnie, d'avoir des infos qui apparaissent. Enfin voilà, c'est un peu l'Oculus Rift du pauvre, quoi. Voilà. Mais voilà, bon, après le reste, ouais. Ouais, non, c'est moche, c'est moche. On a appris également, concernant la saison 4 de Arrow, quelques petites choses. L'arrivée de Mister Terrifique dans cette saison 4, donc un nouveau personnage de l'univers DC, qui sera un collègue de Felicity. Comme si Felicity n'avait pas assez de mecs autour d'elle, on va lui en rajouter un, et je le vois arriver, quoi. Bah non, Non, c'était mais pas lu l'article jusqu'au bout. Ah bon, ils ont dit que non, ça serait pas un love interest? Bah, il est gay. Il Ah! existe. Ah bah au moins, écoute, ça me fait plaisir. Bon Au bah, moins, il nous sauve du triangle amoureux. bah il se rassurera. Heureusement. Oh. Arrow et Atom. Ouais. Et Et Barry. voilà ton triangle amoureux. C'est ça, le triangle de la saison. Ah, ça Bon serait bah, drôle. là du coup, je suis rassuré, ça me fait plaisir. C'est Et bah, ça sera le meilleur ami gay de Felicity. ça. Donc il sera voilà collègue avec elle, évidemment il va faire ses fameuses tease-faire, voilà. Donc ça va être cool, Mister Terrifique, plutôt sympa. Visuellement ça peut donner des choses intéressantes. On a également appris un casting, le casting de Damien Dark, le fameux méchant derrière toutes les machinations, etc., qu'on a découvert en fin de saison 3. Il sera interprété par Neil McDonough, McDonough peut-être. Voilà, qu'on a vu dans plusieurs séries. Enfin, voilà, il Ouais. suffit juste de regarder sa tête, on le reconnaît quand même tout de suite. Ce qui est marquant, c'est que bah, c'est Dum Dum Gugan. Oui. Dum Dum Dugan de l'univers Marvel cinématique. Donc, du C'est coup, ça. ben, Ouais. on perd Dum Dum Dugan, qui avait un potentiel quand même assez sympa, un potentiel sympathie assez fort dans ses apparitions. Et du coup, ben, c'est dommage. Ça. Pour l'univers Marvel, en tout cas, qui perd quelque chose d'assez. Voilà, enfin, moi, c'est plutôt. Moi, j'ai vu sa gueule, je fais, ah, c'est le mec d'Desperate J'ai pensé pareil, je vois pas qui c'est le mec dans Marvel. Housewives. C'était un mari de Brie. Dum Non, Dum non, Dugan, c'est un dans mec des Desperate. Howling Commandos. Ah Oui. oui. Le mec avec la Ouais, mais il moustache. servait à rien. Enfin, on Ouais, voyait pas, mais quasiment il est jamais. sympa. Et, enfin, le commando est Oui, sympa, non, mais il peut donc. toujours apparaître dans John Carter et compagnie. Oui, il va juste mourir entre-temps, on le verra pas mourir peut-être. Enfin, ouais, mais bon, voilà. On va continuer sur l'univers de la CW. Vu qu'on vient de parler d'Arrow et Flash, y a une série animée qui va bientôt arriver, hein, qui est la série Vixen, qui met en avant cette jeune fille qui se fait appeler Vixen. On a eu un petit trailer. C'est clairement dans la veine, enfin graphiquement, visuellement, c'est clairement dans la veine de tous les films d'animation DC actuels. Et on a vraiment Oui. tout ce qui est du Flashpoint, les choses comme ça, enfin, on a vraiment l'impression de voir ça. Le trailer est plutôt sympa. Ce que j'apprécie, c'est que bah, c'est une série en fait qui est en crossover avec Flash et Arrow. Ça se Donc on a demande une même série d'ailleurs. animée parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'en faire une grande série, etc. Donc on l'a fait en animation. L'idée est sympa. On a Flash, on a Arrow dans cette série animée, qu'on peut visuellement en plus tout à fait identifier aux acteurs, et on peut aussi les identifier de manière auditive, puisque c'est vraiment Grant Gustin et Stephen Ah oui, Amell qui doublent d'accord. ces personnages. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai vraiment apprécié. Après, c'est sympa, ça a l'air assez frais, assez dynamique et tout. Voilà. Ça arrive le 25 août, donc sur le CW Seed. Voilà, ça peut être sympa, franchement, ça peut être un C'est truc. court, hein. C'est ça. C'est 6 épisodes, une demi-heure, je crois. Ouais, non, mais voilà, ça peut être très sympa. Et puis voilà, ça arrive le 25 août. On aura encore quelques semaines à attendre avant le retour des séries principales, j'ai envie de dire, Flash et Arrow. Donc du coup, voilà, c'est un moyen de nous faire patienter en les voyant à l'écran d'une autre manière. Enfin, non, c'est sympa. Je trouve ça sympa. Allez, on a passé Arrow. Ça veut dire qu'on va Voilà. continuer notre descente vers l'enfer et on va Ah aller à oui, alors Gotham. là, On va aller à Gotham. Et alors là, là les annonces. là, on a deux annonces, mais c'est un festival, quoi. Ah Mais ouais, surtout la la deuxième. deuxième, c'est trop. Enfin, la première déjà. La La première première déjà, déjà. mais je Et crois que la enfin, deuxième c'est le stop. ça me fout en rien. J'ai envie de dire, quand le même jour, vous avez cette photo et la vidéo avec Jared Leto, ça fait franchement mal. Parce que oui, on a eu la confirmation que le gamin, là, je sais même plus comment il s'appelle. Machin Managan. Non, mais le gamin, le personnage, c'est Julian. Ah, Cameron. Non. C'est Julian. Non. Ah, je sais plus. Merde. Non, la fille, c'est l'acteur qui s'appelle Cameron. Donc, ouais, ça doit être Julian. Enfin bon, un prénom qui commence en J, hein, très subtil. Bah, c'est bien lui, le Joker de l'univers de Gotham. Et on a eu une Oh. photo avec les cheveux un peu en arrière, un espèce de Dégueulasse. sourire. Je pense qu'ils ont juste mis un peu Dégueulasse. de rouge à lèvres pour souligner ses lèvres. Alors, juste, ils ont fait ça par Photoshop. Mais c'est ridicule. C'est C'est, affreux. j'ai vu ça, je me suis Ridicule. dit, ouais, ok, mais il compte encore aller plus loin, puis après, t'as Ah là, bah tu peux oui, faire non mais pire. ils vont aller Ouais, plus là. loin. Ils vont aller plus loin. On a eu quelques infos sur Freeze aussi, mais franchement, Et je on crois, s'en je me suis fout. dit, non, mais ils vont pas pouvoir aller plus bas. Et là, t'as la deuxième annonce Mais là, voilà, qui juste après, on a une se fait. interview. Une interview de David Mazouz qui est sortie, qui est donc l'interprète de Bruce Wayne, qui nous dit. Alors la phrase, je vais quand même vous la retrouver, parce que là. Quand j'ai lu le titre de l'article, je n'y croyais pas. Alors la phrase, elle est fin. Ah voilà. He's going to turn the In page. season 2, Bruce is, et on insiste bien sur le is, going to be Batman. Tiens. Mon Dieu. Oh la vache. Donc le mec qui interviewe David Mazouz lui demande, voilà, effectivement, on a trouvé la Batcave, enfin une pièce secrète qui est présumée être la Batcave à la fin de la première saison. Est-ce que ça veut dire que la transformation de Bruce en Batman va être plus développée dans cette suite, dans cette saison 2? Et il nous répond déjà en commençant, in every way possible. Et déjà là, on se dit, eh merde. Et puis après, quand tu vois tout ce qu'il nous raconte et qu'il termine en disant, in season 2, Bruce is going to be Batman, merde quoi. Tu te dis putain la boucherie. Et le pire c'est qu'on l'avait dit, on le disait en plaisantant, il va devenir ouais. Batman, après il va devenir Batman à 14 ans quoi. Et c'est la preuve qu'on ne peut pas faire confiance à ce mec, à ce Bruno Heller, qui a juré en début, avant la première saison, que jamais dans la série Bruce ne deviendrait Batman, que ce serait une série qui amènerait le chemin de Bruce vers Batman, et que ce serait juste à la toute fin qu'il deviendrait Batman, et peut-être même après la fin de la série, voilà, qu'on ne le verrait pas forcément. Et là, une saison plus tard, on nous dit qu'il va devenir Batman. Ils sont en train de... Honnêtement, tu peux prendre... Ouais, mais ça peut s'éloigner de la mythologie, mais là, franchement, ils sont en train de se torcher avec la mythologie de Batman, quoi. Voilà, donc bah, Lucius Fox arrive aussi, mais ça, on le savait. Fin... Donc voilà, c'est... Bon. C'est ignoble. Il va vraiment, vraiment, vraiment falloir faire des efforts pour pouvoir supporter cette saison 2. Non, mais moi, j'ai dû m'arrêter à la moitié de saison 1. J'ai absolument pas envie de la reprendre. C'est... Ouais. Voilà, bon, allez, on va passer. Parce que là, je commence à m'énerver. Parce qu'on a encore pire, puisqu'on va parler de Supergirl maintenant. Tu crois que c'est pire? Après, on s'arrête, hein. Après, on s'arrête. Parce que c'est là, pas pire, mais on en a souvent. J'en peux plus. Non, c'est pas pire, c'est pas loin. Voilà, c'est pas pire. Non, c'est vrai que c'est peut-être pas pire. Vu ce qu'on a appris maintenant sur Gotham, c'est peut-être pas pire, effectivement. Mais c'est un tout petit peu au-dessus de Gotham. Allez, Arnaud. Putain, pourquoi j'ai choisi ça? Donc, quand même, on a appris que Supergirl avait casté un nouvel acteur. Alors, il s'appelle Peter Facinelli. Et son CV donne envie. Il était dans Nurse Jackie. Et surtout, c'était un des vampires de Twilight. Mon Dieu. Et donc il jouera Maxwell Lord, un milliardaire. Ouais. Un milliardaire fan de technologie, ouais. Qui est un rival, comme ils disent, amical avec Cat Grant, ouais. Et qui a une fascination pour Supergirl. Ça donne envie, ouais. Tout ça. C'est un personnage important, hein, de la mythologie de Supergirl, ouais. Maxwell Lord, enfin voilà. Ouais. Après, oui, bah, j'ai envie de dire, c'est qu'une belle gueule de plus dans cette série. Et c'est tout, quoi. C'est ça. On a aussi appris qu'ils ne sont pas encore castés, mais on a appris qu'on verra dans la saison 1, parmi les ennemis, on verra Livewire, ouais. Qui est un méchant de Superman, et un méchant de Supergirl, on verra Reactron. Voilà, bon. Et ça rime avec étron. On va terminer la partie série et donc cette émission bilan de la DCC avec les autres univers que Marvel et DC. On a eu... Bah, en fait, on peut juste dire qu'on va terminer avec Robert Kirkman, à part pour une annonce, en fait. On a eu un trailer pour la saison 6 de The Walking Dead. Alors, un trailer, j'ai envie de dire oui. Oui, ça a l'air de faire envie. Oui, on a de l'action, etc. Mais, enfin voilà, ça fait 5 ans maintenant, on se laisse plus prendre. On sait très bien que là, dans ces 3 minutes, on a vu toute l'action de la saison. C'est clair. Là, on aura voilà ces 3 minutes qu'on a l'air explosif, qu'on a l'air machin, tout ça. Et puis, bah, tout le reste, ce sera le Walking Dead qu'on a d'habitude. Alors après, la deuxième moitié de saison était bonne sur la saison 5, donc on espère qu'ils vont continuer sur cette lancée. Maintenant, voilà, c'est qu'un trailer de Walking Dead. Enfin, j'ai vraiment pas envie de me laisser piéger par ça. Moi, j'attends de voir. Ça me fait ni chaud ni froid. J'attends de voir. On voit tout le monde. Le personnage de... Et j'ai oublié son prénom... que Rick connaissait, là, qu'on a vu dans la saison 5, marcher derrière eux. Là. Bah, il a l'air d'être au cœur des intrigues, en tout cas, sur cette saison. Donc, ce qui peut être bien. Oui, non, ça peut être intéressant. Bah, il serait temps, quoi. Après l'avoir vu un an à mater les mecs, là, dans ces buissons, il est peut-être temps qu'il passe un peu de l'autre côté et qu'on en sache un peu plus sur lui. Et qu'on sache... Alors, On le sait déjà, hein. Il nous a été annoncé, on aura droit à un autre épisode flashback de la saison, et ce sera justement qu'est-ce que ce personnage est devenu depuis le tout début où on l'avait vu avec Rick. En tout cas, il y aura du zombie, puisque apparemment, dans le premier épisode, comme ils avaient fait pour l'épisode pour la saison 5, hein, c'est pareil, il y avait énormément de zombies, et après on s'était un peu fait chier. Et là, apparemment, pour le premier épisode de la saison 6, ils ont jamais utilisé autant de figurants pour jouer des zombies. Encore une fois, j'ai envie de dire, ne nous laissons pas forcément prendre par tout ça. Il y aura de l'action dans le premier, c'est tout. C'est ça. Fear the Walking Dead, maintenant. On a aussi eu un trailer de Fear the Walking Dead. Et Et des là, dates? par contre, oui, et des dates. Donc les dates, c'est le 25 août, non, 23 août. 23 23 août août. pour Fear the Walking Dead et 11 octobre pour Ouais, c'est ça. Walking Dead. Donc 23 août pour Fear the Walking Dead. Et là, on a eu un trailer qui fait envie. Ouais, mais bon, on connaît le passé sur The Walking Dead, donc Voilà. c'est à prendre avec des pincettes. On sait très bien comment ça va finir, tout ça, mais bon, les personnages qui sont présentés ont l'air d'avoir des petites choses intéressantes chacun. Donc voir ce qu'ils vont devenir avec cette invasion zombie qui arrive. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est court, ça ne demandera pas trop d'efforts. Pourquoi pas. Troisième trailer qui concerne Robert Kirkman qu'on a eu pendant cette San Diego Comic-Con cette année, c'est le trailer d'Outcast, donc la série de Cinemax. Un trailer qu'on dit pas beaucoup. Hein. Non, parce que je crois que c'est peut-être toujours en tournage, je ne sais pas. Ouais, donc ça en dit pas beaucoup sur le concept, etc. On a bien compris que ça allait être horrifique, et enfin voilà, ils l'ont bien fait comprendre. Les lecteurs du Comics Outcast n'auront pas à manquer de reconnaître des cases. Enfin voilà, bon, il y a des cases À ce point-là. du comics que j'ai vu en image et qui étaient visuellement très très proches. Là, la scène dans la chambre avec ce gamin au milieu sur le lit, les mains du gamin, etc. Enfin, voilà, des moments assez, hein, assez bien faits dans les comics, etc. Et voilà, j'avais l'impression de voir ces cases-là. Donc, j'arrive pas par contre à me dire si c'est bien ou pas bien encore. Mais voilà, en tout cas, on a une certaine fidélité visuelle vis-à-vis du support original. Toi, tu l'as vu, Arnaud, ce trailer, et Clément, tu l'avais vu? Non, pas du Non, tout. t'as pas réussi à le voir? Ils ont fait un peu la chasse aussi, hein, il est assez difficile à choper. Bah Maintenant, non, un il est peu. sorti officiel. Ah, il est sorti officiellement maintenant? Ouais. Ah oui, je l'ai vu en HD en plus. Oui, d'accord. Oui, c'est bon. Non, mais ouais, d'accord. Ok, tout va bien. Et alors, la dernière annonce de cette émission, et qui sera du coup la dernière news dont on parlera cet été, puisque maintenant on ne reviendra qu'au mois de septembre avec le mag, c'est une série qui était d'abord annoncée sur la Fox, qui arrive sur la CW, et moi je pense que c'est très bien. Arnaud. Ouais, comme tu l'as dit, c'était développé pour la Fox et c'est finalement la CW qui la récupère alors qu'il n'y avait aucune rumeur, aucune info Ah là-dessus. non. C'est Archie, enfin la série s'appelle Riverdale, mais c'est une adaptation des comics Archie et c'est pas si étonnant que ça arrive sur la CW Oh parce bah qu'elle est non. produite par Greg Berlanti qui produit justement Arrow et The Flash entre Puis autres. même les thématiques dans Archie, c'est quand même un groupe d'adolescents. Enfin voilà, les amours d'Archie entre Betty et Véronica. Becky et Véronica. Voilà. Enfin, c'est oui, on est dans le ton CW et tout. Enfin, donc du coup, peut-être une nouvelle série teen qui pourrait avoir une longue carrière parce que l'histoire d'Archie est quand même une histoire très très très longue. Ouais. Et en Donc voilà. plus, ça sera bien dans l'esprit des comics puisque c'est comment on dit en français, le chef, Creative Officer, Chief Creative ouais, Officer? Ouais, bon, le rédacteur en chef, hein, le le boss, quoi. rédacteur en chef, ouais, d'Archie Comics justement, qui écrira le pilote. Donc c'est Le gros Robert Robert. Aguirre Sacasa. Sacasa. Ouais, Roberto Aguirre Sacasa, qui est le boss de chez Archie, voilà, qui va être sur le pilote, donc avec Berlanti. Bien, bien. Ça peut être bien. Moi qui me hype sur l'univers Archie depuis quelques mois, je suis. Et qui est kiffé comme, enfin voilà, comme pas possible le premier numéro du relaunch par Mark Waid et Fiona Staples. Voilà, je suis vraiment content de voir cette série arriver du coup. Et ben voilà, on en a fini avec ce gros bilan de la San Diego Comic Con. On a parlé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui. Si vous deviez en retenir une ou deux, qu'est-ce que comme ça là, si vous devez vous remémorer le grand moment ou les deux grands moments de cette édition, qu'est-ce qui vous vient comme ça tout de suite en tête, Le Arnaud? trailer de Batman v Superman déjà, Ouais. et sans doute les infos sur Flash. Ouais. Clément? Le trailer de Batman v Superman, je dirais peut-être toutes les annonces là, du côté de Marvel au niveau du relaunch. Ok, ouais, qui était un peu avant la San Diego, hein, du coup, qui était un peu en deux. On en a parlé ce soir, parce que voilà, c'était important, mais c'était Ah oui, non, d'accord. une semaine avant. Ah oui, non. Dans ce cas, oui, donc le trailer de Batman vs Superman et toutes les infos sur les séries télé. D'accord. Bah moi évidemment hein, c'est le Joker dans la saison 2 de Gotham et Bruce Wayne qui devient Batman. Non, le trailer de Batman v Superman, enfin j'aurais l'impression de me répéter, donc je vais plutôt parler de celui de Legends of Tomorrow qui m'a voilà ce Hero Evolution trailer. Et puis plus que les news, voilà l'ambiance qui a rôdé autour de cette San Diego Comic Con, qui a été hyper agréable à suivre dans les news, dans les photos, dans les vidéos qui pouvaient être postées ici et là. Voilà, autant les années précédentes, on sentait qu'il se passait beaucoup de choses, qu'il y avait beaucoup d'annonces, etc. Autant là, il y avait quelque chose d'autre dans ce qu'on pouvait voir de l'extérieur qui donnait franchement envie d'y être. C'est clair. Voilà. Donc du coup, voilà, ça serait plus un petit peu l'atmosphère générale de cette année. Alors c'est peut-être l'absence de Marvel Studios hein, qui a fait ça, mais du coup on n'a pas eu l'impression d'assister à une guerre, Non. à celui qui va montrer la plus grosse et qui va voilà, chacun a fait ses annonces Ouais. et dans la bonne humeur machin tout ça et voilà on n'a À pas eu la de. rigueur, j'ai envie de te dire que Marvel Studios avait fait ça bien avant. Ils avaient fait Oui, non ça. mais d'accord. Puis ils vont faire ça à la Mmh. D23 C'est ça. au mois d'août, mais voilà. En tout cas, Marvel Studios a quand même tenté de contrer l'événement Batman vs Superman en postant une heure avant les premières images de la série Jessica Jones. Ouais. Bon, Ah bon? ces quatre photos Ouais, avec mais voilà. Ah oui, je. C'était histoire de dire, on n'est pas là-bas, mais on est quand même là. Enfin, voilà, ça sentait quand Ouais, même cette intention-là, c'est parce qu'ils auraient pu le spécial, mettre deux quoi. jours après, ça aurait rien changé. Et d'ailleurs, deux jours après, peut-être que plus de monde les aurait vus, ces images. Bref. Donc voilà. C'était assez agréable de ne pas avoir cette guerre et tout ça. Bref, on va terminer, on va conclure cette émission et ce mag numéro 20, un peu oversize, hein, forcément, il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. Pour vous donner un petit peu les rendez-vous de l'été, du côté des podcasts, tous les week-ends, depuis dimanche, les Infinite Wars 2015 ont lieu dans les podcasts. Vous avez entendu le round 1, et il vous en reste encore 7 à entendre, et qui tout ça va nous mener à la finale du 6 septembre, qui sera en direct. On vous donnera la démarche à suivre pour nous suivre en direct, évidemment. Et pour ce qui est de l'horaire, on se dirige vers un 21h, donc le dimanche 6 septembre. Dans une semaine, vous aurez droit, un peu plus d'une semaine, allez, si une bonne semaine, le débrief d'Ant-Man, qui sort demain mardi, parce que nous sommes le 13 juillet, ou là au jour où on enregistre ce film, D'ailleurs, ce podcast. Oui, il sort demain mardi. comment ça se fait qu'il sort un mardi? Parce que c'est férié. Parce que c'est férié, oui. Ça va tirer du Sorti monde. mercredi? C'est pas Oui, mais obligatoire. C'est pas obligatoire. c'est la date traditionnelle, mais on a déjà vu des Harry Potter sortir un Ah, vendredi en ok. sortie mondiale. Star Wars sort un vendredi. Voilà, en sortie mondiale, etc., au même jour que les USA. Voilà, là, ça sera un mardi, pour profiter du jour férié, et ils auraient tort de s'en priver, franchement. Donc, Ant-Man, on vous fait le débrief dans une semaine. Début août, on vous fera évidemment le débrief de Fantastic Four. Youpi. Ouais. Ouais, nickel. Vous aurez également les deux derniers chapitres de cette trilogie de la Padawan édition consacrée aux séries qui sont passées de la télé aux bulles. Donc, on nous avait eu droit aux séries du Whedonverse il y a une semaine, et donc vous allez avoir deux autres émissions sur les séries adaptées de la télé qui sont passées en comics. Et puis, bah, évidemment, on se retrouve à la rentrée avec le mag, la Padawan Edition et sur nos écrans. Tout ça démarrera le 6 septembre en direct. Bon été, bonne lecture, bon cinéma, parce qu'il y a quand même pas mal de films qui sortent. Et à bientôt! Salut. Salut.